There's a just gesture. There's a just gesture. There's a just gesture. There's a just gesture. He's my show to 130. The hipster bebop junkie, he's never showed at 103rd Street. The hipster bebop junkie, he's never showed at 103rd Street. The hipster bebop junkie, he's never showed at 103rd Street. There's a junk gesture that marks the junkie like the memory. Vincent, tu la veux la blague des cinq filles qui affrontent la pieuvre? Si tu veux. Seulement s'il faut rire, j'ai peur d'être trop pétrifié pour ça. Puisque je te dis que c'est pas une blague qui fait rire. Mais enfin, si tu veux encore l'entendre, je te l'ai dit. Je suis impatient. Voilà. Trois tomates se baladent dans l'avenue. Papa tomate, maman tomate et bébé tomate. Bébé tomate traîne, regarde les belles nanas. Papa tomate se met en rage, lui balance une claque et lui dit « Qu'est-ce que t'as ? T'es tout rouge ? » T'es tout rouge. Un de ces quatre.